Alors, il se fit un grand silence, et tout, dans l'appartement, sembla plus immobile. Un cercle lumineux, au-dessus de la carcelle, blanchissait le plafond, tandis que dans les coins, l'ombre s'étendait comme des gazons noirs superposés. On entendait le tic-tac de la pendule avec la crépitation du feu. Madame Arnoux venait de se rasseoir à l'entr'angle de la cheminée dans le fauteuil. Elle mordait ses lèvres en grelottant. Ses deux mains se levèrent, un sanglot lui échappa. Elle pleurait. Il se mit sur la petite chaise et d'une voix caressante, comme on fait avec une personne malade. « Vous ne doutez pas que je ne partage... » Elle ne répondit rien, mais continuant tout haut ses réflexions. « Je le laisse bien libre. Il n'avait pas besoin de mentir. »« Certainement, » dit Frédéric. « C'était la conséquence de ses habitudes, sans doute. Il n'y avait pas songé, et peut-être que dans des choses plus graves. »« Que voyez-vous donc de plus grave ?»« Oh, rien. » Frédéric s'inclina avec un sourire d'obéissance. « Arnoux, néanmoins, possédait certaines qualités. Il aimait ses enfants. Ah, il fait tout pour les ruiner. » Cela venait de son humeur trop facile, car enfin, c'était un bon garçon. Elle s'écria. « Mais qu'est-ce que cela veut dire, un bon garçon ?» Il les défendait ainsi, de la manière la plus vague qu'il pouvait trouver, et tout en la plaignant, il se réjouissait, se délectait au fond de l'âme. Par vengeance ou besoin d'affection, elle se réfugierait vers lui. Son espoir, démesurément accru, renforçait son amour.